Et voici maintenant une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Raspoutine l'increvable. Il est né le 10 janvier 1869 à Pokrovskoye, petit village perdu dans l'étendue sibérienne de la province de Tobolsk. Son prénom, Grigori Efimovitch. Son nom de famille, Raspoutine. Son destin, excessif et donc dramatique. Ce jeune enfant de nulle part, bientôt moine débauché et alcoolique, va devenir, grâce à d'hypothétiques talents de guérisseur, mais à d'authentiques pouvoirs de manipulation, un des personnages les plus influents de l'entourage du tsar Nicolas II. Son ascendant, tout particulièrement sur la tsarine Alexandra Fyodorovna, finira par inquiéter, et un complot va se tramer pour éliminer ce simple moujik qui se permet d'occuper les palais royaux. La tête du complot est le prince Félix Youssoupov. Ses complices, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, le lieutenant Soukhotine, le député Vladimir Pourichkevitch et le médecin militaire Lazovert. L'élimination est programmée pour la nuit du 16 au 17 décembre 1916. Youssoupov, la chapka enfoncée sur ses oreilles pour ne pas être reconnu, va chercher Raspoutine rue Gorokovaya et le ramène au palais où ont été préparés trois verres enduits de cyanure et plusieurs petits gâteaux bruns et roses, également imbibés de ce poison violent. Pour une raison qu'il ne s'explique pas lui-même, Youssoupov sert dans un premier temps les pâtisseries non empoisonnées à Raspoutine, lequel, les trouvant trop sucrées, décline les suivantes. Les hommes commencent à boire du vin de Crimée dans des verres propres, puis, après avoir fait semblant d'échapper celui de son hôte, Youssoupov sert du madère dans un verre cette fois empoisonné. Raspoutine déguste lentement, sans qu'aucun trouble n'apparaisse, sinon quelques raclements de gorge. Un deuxième verre, puis un troisième, suivi de plusieurs petits gâteaux toxiques qu'il se décide maintenant à accepter. Raspoutine a déjà ingurgité de quoi tuer sur le coup un éléphant, mais au lieu de mourir, il réclame une tasse de thé et un air de guitare. Youssoupov monte à l'étage pour avertir ses complices que le poison ne fonctionne pas. Il prend le revolver du grand-duc Pavlovitch et redescend. Raspoutine semble s'affaiblir, mais faux espoir. Un autre verre de madère le remet sur pied, au point qu'il veut maintenant sortir faire la fête dans un cabaret tzigane. Youssoupov prend son courage à deux mains et tire. Raspoutine s'effondre, la balle a traversé la région du cœur. Son corps est déposé dans la salle à manger du sous-sol et les comploteurs se félicitent mutuellement. Mais Youssoupov est inquiet. Il retourne voir le cadavre et c'est alors que Raspoutine se redresse violemment, tente d'étrangler son assassin, puis se sauve dans la cour du palais. Pourichkevitch sort à son tour son revolver et doit faire feu à quatre reprises avant que le fuyard ne finisse enfin par s'effondrer dans la neige. Par précaution, les conjurés roulent alors le cadavre dans des rideaux, le ficellent, creusent un trou dans la glace et le jettent dans les eaux de la Neva. Précaution qui ne s'avéra pas inutile car l'autopsie du corps de Raspoutine démontrera qu'il n'est mort ni par empoisonnement au cyanure, ni à cause des cinq balles qui l'ont traversé. C'est par noyade que Raspoutine l'increvable a fini par quitter sa Russie natale. Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou.